De Jules Renard, Les Mille et un matin. Nous venions de procéder à la reconstitution du crime de l'avenue de Clichy. Nous étions seuls, le commissaire divisionnaire et moi, dans l'auto qui nous ramenait quai des Orfèvres à travers l'encombrement d'un Paris surchauffé. Un barrage nous immobilisa au milieu d'un bloc de voitures à la hauteur d'une pharmacie. « Vous voyez cet immeuble, Gaillard ?» me dit Jérôme. « Oui, la maison du pharmacien. C'est là que j'ai logé de 1922-1926, quand j'étais le commissaire du quartier. Et tenez, vous qui collectionnez les histoires, écoutez celle-ci. Elle date de 1925. J'habitais au quatrième étage sur la cour, mais levez les yeux. Voyez-vous ce bel appartement du deuxième, avec balcon ? C'était alors, et c'est encore, vraisemblablement, le domicile du docteur Juliette Costelier. Dites doctoresse, si vous préférez, je n'y vois pour ma part aucune objection. Un soir, je venais de rentrer chez moi. Le pharmacien m'avait retenu en bas pour m'entretenir d'une affaire, et il était tard. On sonne à ma porte, et la bonne m'annonce qu'une dame insiste pour être reçue. Carte de visite, docteur Juliette Costelier. Faites entrer. Mon dîner refroidirait. Ce n'était pas la première fois. Dans notre métier, vous savez ce que c'est. Hein. Je connaissais de vue Madame Costelier. Je la rencontrais parfois, ainsi qu'André Costelier. Elle avait même passé tout à l'heure devant la vitrine du pharmacien, pendant que nous causions. C'était une grande belle fille brune, d'une trentaine d'années au plus. L'œil bien clair, bien loyal. Intelligente, fichtre, mais émue. Elle avait beau faire, cela ne pouvait pas m'échapper. Elle me rappela qu'elle habitait la maison. Je lui demandai, très courtoisement, en quoi je pouvais lui être utile. Alors, assise en face de moi, dans un fauteuil, elle me dit, assez pâle, avec ce sourire forcé que nous connaissons si bien, « C'est moi, monsieur le commissaire, qui ai fait ce que vous savez. Je ne veux pas qu'un doute puisse subsister une seconde de plus à ce sujet. Il n'est pas dans mon caractère de dissimuler. » J'ai commis, sous l'emprise d'une impulsion, un acte que je commettrais à tête reposée, si c'était à refaire. Mon seul tort a été de ne pas m'en accuser aussitôt, que cela fût possible. Si vous voulez bien m'écouter, je vais réparer cette faute que je regrette infiniment. En votre qualité de commissaire de police, vous savez peut-être, monsieur, qu'André Costelier n'est pas mon mari, non ? Eh bien, c'est ainsi. Moi, je m'appelle Costelier, lui se nomme en réalité ni André ni Costelier. Il n'a pas de nom. Cet homme admirable que j'aime au-dessus de tout n'est personne au regard d'état civil. Il a été ramassé près de Fère-Champenoise après la bataille de la Marne, avec une balle dans la tête, sans que rien ne permît de l'identifier, ni plaque, livrée, matricule quelconque, ou écusson. Le cas, hélas, s'est produit plus d'une fois. Celui que j'appelle André Costelier est au nombre de ces malheureux qui ne savent plus eux-mêmes qui ils sont. Trépané, soigné, à peu près guéri de sa terrible blessure, et il s'est réveillé dans un monde inconnu. Sa mémoire est restée au-delà de 1914. Il ne se rappelle plus rien de son passé. Je l'ai connu en 1917 dans un hôpital où je faisais un stage. Il m'intéressa tout de suite, prodigieusement. Je trouvais en lui un être peu cultivé, certes, d'origine rurale très probablement, mais doué d'un cœur exquis, d'une sensibilité rare et d'un esprit dont la finesse et la justesse me surprirent. Il ne se laissait nullement accabler par son étrange sort et subissait avec vaillance les crises extrêmement douloureuses dont il souffrait encore fréquemment. Et il était dévoré du désir d'apprendre, de vivre avec intensité. Nous sommes aimés. Nous nous aimons toujours aussi tendrement, aussi puissamment. Aujourd'hui, 11 ans après la bataille de la Marne, André, à qui j'ai prêté mon nom, occupe parmi les intellectuels une place chaque jour plus lumineuse. Je ne puis vous dire combien je suis fier d'y avoir concouru par mes soins, mon dévouement, mon amour. Oh, tout a été fait, croyez-le bien, tout, pour essayer de lui rendre le souvenir. Et aussi pour retrouver ceux qui le connaissaient avant la guerre, sa famille peut-être, même sa femme. Des journaux ont publié son portrait. Personne ne s'est présenté, jamais, pour le reconnaître. André va de mieux en mieux. Ces crises dont je vous parlais deviennent de plus en plus rares. Cependant, elle la bat encore, à la cadence d'une tous les 3 mois environ. Ce sont des maux de tête d'une grande violence qui le martyrisent durant 1 heure ou 2, et contre lesquels j'épuise vainement les analgésiques dont la plupart, du reste, ne sauraient être ici employés sans danger. J'ai pourtant bien cherché, je me suis ingénié fiévreusement à combiner des remèdes capables d'atténuer les souffrances d'André. Ce matin, vers 8 heures, il a été pris de cette atroce céphalgie. Aussitôt, je suis descendu chez le pharmacien et je l'ai prié de me préparer au plus vite une nouvelle combinaison, d'après la formule que je lui dictais. C'est un liquide qui ne peut pas être préparé d'avance. Il se hâta. Moins d'un quart d'heure après, j'avais fait à André, dans la région cervicale, une injection qui, à ma grande joie, le soulagea sur le champ. Je n'eus pas le courage de lui dire que, malheureusement, l'effet de la piqûre ne se prolongerait pas plus d'une demi-heure, et qu'une deuxième piqûre entraînerait fatalement les plus graves conséquences. Je jouissais néanmoins de l'apaisement que je venais de lui procurer, quand tout à coup, je le vis avec effroi se soulever sur ses oreillers d'un air égaré. « Juliette, je me rappelle, la mémoire me revient, un village, je vois un village, une place, je me vois sortant d'une maison, une valise à la main. Une femme, une jeune femme m'embrasse. Ah, c'est cette piqûre qui m'a rendu la mémoire. Juliette, je t'en supplie, empêche, je ne veux pas me souvenir, je ne veux plus maintenant, arrête cela. Juliette, ma Juliette, je ne veux pas me souvenir davantage. » J'étais affolé, monsieur le commissaire. Je ne savais comment m'y prendre pour neutraliser l'action de ma drogue. Je pensais au chloroforme. Aucun autre moyen ne me venait à l'esprit pour plonger André dans une prompte insensibilité. Mais les douleurs revinrent brusquement. Et avec elles, revint la désir. André se souvenait seulement du village inconnu et de la jeune femme mystérieuse. Ben non, il n'avait pas eu le temps, Dieu merci, de se rappeler ce qui, je suppose, nous eût perdu à jamais. Je restais près de lui, la main dans la main, pour l'aider à souffrir jusqu'à 10 heures. « ma bien-aimée » me disait-il sans cesse. Lorsqu'enfin il s'assoupit, calme, mais épuisé, je m'esquivais. Le pharmacien vous a dit certainement qu'une seule personne avait passé derrière son comptoir entre le moment où il avait vu intact son registre d'ordonnance et le moment où il avait constaté que la dernière page écrite en était arrachée. Il vous a affirmé que moi seul pouvais m'être rendu coupable de cet acte inouï. Le pharmacien a raison, monsieur le commissaire. Maintenant, la formule chimique n'est plus inscrite que dans ma tête. Et je vous jure qu'elle n'en sortira pas. Naturellement, acheva Jérôme, quand le pharmacien a su ce qu'il en était, nous avons arrangé ça. Fin.